La conférence conjointe des formations sociales consacrée au 45e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 4 juillet a eu lieu le 4 courant au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont participé les quatre et membres du Comité coréen pour la solidarité avec les peuples du monde, du Comité national coréen pour la paix, de l'Association des juristes démocrates de Corée et du Comité coréen pour la solidarité afro-asiatique et, comme observateurs, les représentants diplomatiques et membres des ambassades de divers pays en Corée et compatriotes coréens d'outre-mer. Kim Jong-suk, présidente du Comité coréen pour la solidarité avec les peuples du monde et du Comité pour les relations culturelles avec l'étranger, a dit dans son rapport « La publication de la déclaration commune du 4 juillet, qui a pour contenu essentiel les trois principes de l'indépendance, de la réunification pacifique et de la grande union nationale, a été un événement historique qui sert de programme commun pour la réunification à toute la nation. La réalité d'aujourd'hui où sont accentuées les manœuvres de provocation de guerre nucléaire et de pression et de sanctions des États-Unis et des pays satellites exige de maintenir fermement les trois principes dans la lutte pour réaliser la réunification du pays. Elle a appelé les organisations sociales participant à la conférence conjointe à remplir leurs responsabilités et rôles dans la cause pour la réunification de la patrie. Les orateurs ont exprimé leur volonté de sauvegarder et faire briller les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et de livrer dynamiquement pour l'atmosphère internationale favorable à la réunification de la patrie, suivant les idées et volontés des dirigeants suprêmes Kim Jong-un. On y a adopté un appel à l'adresse des peuples progressistes du monde. L'appel invite, primant, à soutenir dynamiquement l'œuvre juste du peuple coréen pour la réunification du pays, suivant les principes de l'indépendance et de la grande union nationale. Secondo, à livrer vigoureusement dans le monde les activités pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et pour le retrait de la politique d'hostilité des États-Unis contre la Corée. Tertio, à révéler et condamner l'injustice et l'illégalité des manœuvres de sanctions anti-nord-coréennes et de la campagne contre les droits de l'homme des États-Unis et des pays satellites, pour ainsi réaliser la justice authentique internationale. Quarto, à intensifier comme campagne de masse le mouvement de la solidarité internationale pour la réunification de la Corée. Pour terminer, l'appel exprime la certitude que tous les peuples progressistes aspirant à l'édification d'un monde nouveau indépendant et à la paix du monde témoigneront à l'avenir aussi du soutien et de la solidarité absolue à la cause de la réunification du peuple coréen.